African music. Ole, ole. Champs-Élysées, na la monkey maï na miso, la pakona litama, chagrin na mole maï. Na lelia e Africa mama, boka na tiki mosika, boto na moyi pongi na zoa wapie. Natali likola natali penase, na nyaka salisa wo, onga imwa na wo. Na kanisi ndenge na wo. Capote na ya mopembo yo natika ki mama na mawa papa pena bolo zibale ki pe baninga nzela nzela lokoko na litama maina miso na kanga ki semole mawa butu moi kosambela nzambe pote asali zanga inalonga o Misali se koleka, gaika kana mi bembo, nasali se konzemba, go Africa ye. Bale ki pe banana tika nasima, basi bako mi bato, basali komi tuna hawa pipa pa. Yo yo yo. Mibu misali se koleka, ngaika kana mboka mopaya, nasali se konzemba ngo Afrika ye. Monyoko libutu moipe motungisi, nasala koboni ye chake mye shesua. Nasela kaka. Zinganza umado Nostalgia Africa eh. Mama Africa di Melanga Pambu Frederico Nostalgia Africa eh. Papa Africa yokelanga Nakoyemba Mama L'ambiance africaine Kilimanjaro Big Uhuru Chauffer ma balle à Nigeria. Aïe! numéro 1, l'Afrique. Aé, aé, aé, bamba, boko kabisote. Nous danserons jusqu'à l'aube. Tu viens en Afrique, c'est la danse. Chez nous, en Afrique, c'est le mouvement. Ok. Oh, Africa, danser. Pour tout le monde bouger. Oh, la jeunesse danser. Nous danserons jusqu'à l'aube. Bisoteo.